Voilà. Donc, à l'instant, vous aurez peut-être reconnu sur le morceau qui vient d'ouvrir cette émission la voix, somme toute, très identifiable de Buzz Osborne, le génial chanteur du mythique groupe Les Melvins, puisque c'était eux qu'on vient de s'écouter. Donc, le morceau qu'on vient de s'écouter s'appelle Never Say You Are Sorry. C'est tiré de leur dernier album en date, Bad Mood Rising, donc sorti l'année dernière, en 2022. Donc, c'était leur 26e album depuis 1986 pour ce groupe assez mythique qui est une influence assez majeure de nombreux groupes très connus comme Nirvana, Boris, Faith No More, Sleep ou Neurosis, Tool et bien d'autres encore. Ils ont touché un petit peu à tout dans les musiques un peu dures et même à la pop et même au folk. Et cet album-là est plutôt heavy rock, on va dire. C'est assez lourd, c'est nerveux, tout en restant assez catchy. C'est plutôt une très bonne livraison, hein. Il y a 6 morceaux, dont l'introduction de 14 minutes, c'est quelque chose. Hein. Tout le monde vous dira que ça ne se fait pas, mais eux le font. Et voilà, un morceau de 8 minutes, et puis après ça dépasse allègrement les 5 minutes, donc pour 40 minutes d'écoute au total d'un plutôt bien réussi album des Melvins. Sinon, au programme de cette émission, eh bien, on aura un petit peu de noise avec Die Die Die, un premier album de la semaine. On aura une séquence électronique, on aura une séquence électronique aussi, mais plutôt électronique africaine, on va dire. On aura de la pop, on aura un peu Dream Pop Shoegaze, un second album de la semaine avec les Parisiens de Penceslo. On aura de la pop folk, on aura de la pure folk assez sombre avec le troisième album de la semaine signé Mika P. Inson. Et on terminera par des choses un petit peu atmosphériques. Donc on commence de suite avec le premier album de la semaine qui est signé Die Die Die. Donc ça nous vient de Dunedin, en Nouvelle-Zélande. C'est un trio, c'est leur 7e album depuis 2006. L'album s'appelle This Is Not an Island Anymore. Donc un trio mené par le très virulent chanteur Andrew Wilson et le batteur Michael Prine. Et donc ils officient entre noise, pop-punk, post-punk. Cet album-là est très punk noise, c'est puissant, c'est tout en urgence. Il y a 9 morceaux, ça fait 30 minutes, donc les morceaux sont plutôt courts. Ça va à l'essentiel et ça y va de manière assez furieuse, notamment via le chant de Andrew Wilson, une espèce de parler hurlé très viscéral qui apporte une énergie impressionnante au morceau. Au niveau filiation, on pourrait penser à Metz Ventura ou Jesus Lizard. Voilà, et dans tout ça, la beauté émerge de cette espèce de colère maîtrisée musicalement notamment. Voilà, donc le premier morceau qu'on va écouter de cet album s'appelle, c'est un morceau éponyme, s'appelle This Is Not an Island Anymore. Donc, Die Die Die, c'est parti. It is dead. donc à l'instant. Le nom du brûlot que vous venez d'écouter s'appelle Imagine Spending So Long Making Other People Feel Like Shit. Donc imaginez passer autant de temps à faire en sorte que les autres gens se sentent comme de la merde. Ça vous en dit long donc, sur le contenu de ce premier album de la semaine, This Is Not an Island Anymore. Des excellents Die Die Die, sans doute un des tout meilleurs albums de Noise donc de l'année 2022, avec celui de Gillaband qu'on a eu un album de la semaine il n'y a pas si longtemps, il y a deux émissions je crois. On poursuit avec une séquence électronique qui commence par Cosmo Vitelli, donc alias Benjamin Boguet, son nom de scène étant tiré du personnage principal du film Meurtre d'un bookmaker chinois de Cazavette. Voilà, il avait fait un premier album en 2003, Clean, celui-là est son troisième, donc Clean qu'il avait propulsé un peu dans la famille de la French Touch, famille dans laquelle il ne s'est jamais trop bien senti, hein. C'est pour ça qu'il a été aussi discret toutes ces années. Il a eu une carrière musicale un peu mouvementé, on va dire, où il a surtout fait du DJing à Berlin, puis en Belgique, tout en tenant un label, I'm a Cliché Records, qui a sorti quelques bons artistes. Et là, il lui a repris l'envie de sortir des albums, là, il en avait sorti un, je crois, il y a 2-3 ans, et il sort celui-là en 2022, il le sort parce que il s'est accoquiné avec Truss de Groot, qui est une chanteuse d'un groupe No Wave des années 1980, une chanteuse d'un groupe qui s'appelait Plus Instruments, que je ne connais pas, mais que lui aimait beaucoup. Il s'était demandé ce qu'elle devenait, il lui a écrit un message sur Facebook, et ils ont décidé, comme ça, après plusieurs messages, d'enregistrer cet album assez rapidement. Donc, un album qui est de l'électronique de club, hein, sombre et sale, à base de disco vénéneuse, de BM énervé, d'Indus apaisé, de post-punk un peu ironique. C'est une ambiance donc assez crade et dansante. C'est tout ce qu'on aime dans la musique électronique finalement. Le morceau qu'on va écouter donc s'appelle Just Like Is That, donc il est chanté par cette fameuse Truss de Groot. I actually did not send back. And then he says, hey, you hit me. How could you? So that's it. It's frustrating. Because it's not true. juste après Cosmo Vitelli, donc on est resté en choses électroniques, un peu sale avec Daniel Avery, donc l'anglais qui vient de Bournemouth, qui est devenu un 5 album, puisque c'est son 5e album depuis 2013, une des références de la musique électronique, voire techno. Cet album est excellent et varié. Il y a de nombreux invités comme Kelly Lee Owens, qu'on écoutera en fin d'émission, HTRK, qu'on connaît bien ici, Johnny Standish, AI, Marie Davidson, la canadienne, et Cheryl. Il y a un morceau hommage à Andy Weatherall, et dans l'ensemble, l'album propose. L'album qui s'appelle Ultra Trousse propose une électronique très variée, tour à tour minimaliste ou atmosphérique, à base de breakbeat, voire carrément jungle par moment, industriel ou alors trip-hop, ou encore ambient. En tout cas, c'est de la très bonne électronique, toujours un peu sombre, évidemment. On va poursuivre pour une séquence un petit peu d'électronique qui nous viennent d'Afrique, parce qu'il y a aussi pas mal d'électronique en Afrique. Et le premier artiste qu'on a écouté s'appelle Emeka Ogbo. C'est un Nigérian, à la fois musicien et vidéaste, qui officie sur le fameux label allemand Osgudston, label lié au Bergheim à Berlin, et qui gère également son propre label d'Anifotromic. Donc cet album, je n'en prononcerai pas le titre, puisqu'il s'agit d'une localisation géographique en degrés, minutes et secondes, une localisation géographique de la station de bus d'Ojuligeba, pardon, qui est une station en plein centre de Lagos, un endroit incontournable à Lagos. Et l'album a pour concept de retranscrire un peu l'ambiance de cette station de bus. Ambiance donc très riche, très très bigarrée. Pour ça, donc, il utilise de la musique électronique. On est à la limite des choses un petit peu contemporaines. On est à cheval donc entre ambiance électronique, composition plus ambiante et dance music. C'est assez hypnotisant. Hein. Beaucoup de field recording, beaucoup de samples vocaux, une certaine chaleur. Voilà, le morceau qu'on va écouter s'appelle No Counterfeit. Alors là, Thank you. juste après Mecca Ogbo, on est resté dans une Afrique un peu électronique, mais beaucoup moins expérimentale, on va dire, avec les Congotronics International. Donc, un groupe qui a une riche histoire, hein, puisqu'à la base, c'est formé par un orchestre, Konono No. 1, orchestre folklorique donc, qui nous vient du Congo de Kinshasa plus précisément, qui existe depuis 1966, qui était vraiment très connu au Congo, mais pas trop dans le reste du monde, jusqu'à ce que Marco Lander, tête chercheuse et chef de la maison belge Kramet Disc, les prospecte un peu en Afrique et tombe sur ce groupe qu'il a adoré instantanément et qu'il a fait découvrir donc en Europe et aux États-Unis. Donc il les a fait tourner, il les a fait enregistrer des albums, notamment donc un Tradimods versus Rocker avec Konono et ses compatriotes très connus des Kazai All Stars, ou encore Congotronics versus Rocker, qui regroupe à la fois 10 musiciens de Konono, les Kazai All Stars et une dizaine d'autres qui sont plus américains ou européens, comme Dirouf, Juana Molina, le duo suédois Wilbur et Peace Drum, ou encore Matt Mellan, qui est du groupe brooklynois Skeletons. Voilà, donc c'était une hybridation un peu entre musique africaine et occidentale. Voilà, et l'extrait qu'on a discuté, donc, qui s'appelle Culé Culé Redux, est tiré de Where is the One, qui est une espèce de compilation regroupant à la fois des lives de ce Congotronics versus Rocker ou des Tradimox même, et des morceaux enregistrés en studio, enregistrés, le tout est mixé, enregistré par Greg Saunier, un des membres de Dirouf. Il y a 23 morceaux, 1h20 de musique, c'est assez généreux et tout est à peu près de la qualité de ce que vous venez d'écouter. Voilà, on poursuit avec une séquence un petit peu plus pop et on commence par Airwaves, donc groupe en fait mené par la seule Nicole Schneit, new-yorkaise, qui sort donc son 5e album qui s'appelle The Dance. Album brin synthétique, simple, très accessible, plutôt lo-fi. Assez addictif, il y aura des membres là-dedans, il y aura des gens connus là-dedans comme Cass McComb, Luke Temple, Frankie Cosmos ou Lee Spector. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Black Metal Demon et justement il a un featuring Frankie Cosmos, donc Airwaves, c'est parti. Take me to the open sea. Pull my hair against the tree. Tell me all your past. Tell me all your dreams. You're a black metal demon. You're a black metal diamond. You're a black metal baby. Ooh. Move your shadow gently. Your hair sweeps the ground. Reach up to the sky, begging for dolphin sounds. You're a black metal demon. You're a black metal king. funny, and I don't know what's going on. If I try to make it quiet, just get strong. juste après Airwaves, on est resté dans la pop avec Princess Chelsea, donc de son vrai nom. Chelsea Nickel, c'est une néo-zélandaise qui nous vient d'Auckland, qui fait plutôt dans de la twee-pop. On vient écouter un extrait de son cinquième album depuis 2011. L'album s'appelle Everything is going to be alright, donc qui ça donne bien le... l'atmosphère générale de la musique, assez optimiste, assez joyeuse. C'est une ex-mam de The Brunettes, mais la joyeuseté est quand même teintée de mélancolie, un peu clair-obscur. C'est un album post-rupture, on va dire. Il y a des morceaux un peu à la Breeders, des morceaux un peu dream-pop et des arrangements dedans vaguement électro ou classique. Voilà, c'est simple et pétillant. On poursuit avec le second album de la semaine qui s'appelle Neglect, qui est signé Penceslow, un groupe parisien essentiellement articulé autour de sa chanteuse, guitariste, bassiste et clavieriste Diane Pelletieri. C'est son second album depuis son premier Watch Out en 2019. On est entre dream pop, shoegaze au contour sombre et enivant, une atmosphère générale entre rêverie et hypnose, une production assez soignée, assez limpide, des climats cinématographiques, beaucoup de nappes sonores délicatement accompagnées par le chant harmonieux, avec juste ce qu'il faut d'écho de Diane Pelletieri. Alors il y a un morceau en deux parties sur lequel il y a des invités, donc Alceste, le célèbre chanteur, on va dire hardcore français, et Justin Broderick alias Jésus, Godflesh, Jika Flesh, j'en passe. Et voilà, donc c'est pas ce morceau The Run qu'on va écouter, c'est pas les deux parties de ce morceau, c'est le morceau Smile to Zero qu'on fera suivre du morceau Mirror Roaring. Donc Penceslow, c'est parti. Yeah. Donc à l'instant, c'était le shoegaze délicat de Pencil Slow. Et le morceau s'appelait Mirror Rorim. On poursuit avec une séquence pop-folk qui débute avec Bess Orton, la chanteuse de Norfolk, qui vient de sortir son 8e album depuis 1993. L'album s'appelle Weather Alive. On ne l'avait pas entendu depuis son Kidstick en 2016. Voilà, c'est une chanteuse qui s'était fait connaître au début de sa carrière, essentiellement pour ses... Excusez-moi. Il fait froid les studios, un petit peu. Qui s'était fait connaître au début de sa carrière, essentiellement pour ses collaborations électroniques avec Andrew Weatherall, Red Sniper ou The Chemical Brothers, entre autres. Pendant qu'en parallèle, elle sortait des albums de folk un petit peu délicats. Et là, donc, elle vient de sortir ce 8e album qui est de la folktronica assez rêveur et assez rêveuse. Tout en clair-obscur, c'est doux, amer, c'est habité par sa voix délicate, presque fluette. Elle est assistée sur cet album de quelques invités comme Tom Skinner de The Smile ou Tom Herbert de The Invisible. Voilà, c'est très envoûtant et apaisant. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Weather Alive. Bess Orton, c'est parti. All is gone. Just reached for her gun, two slumped in the corner. Three's making a plea for someone to adore her. Five is buried alive. Six, he's out on the street throwing bricks now. Seven, let's just skip over seven, shall we, and get to eight. Stuck at the border. 11's my two-legged brethren. 12 is the holder. Now 13 just might be the worst. 14 has a secret and is ready to burst. Now 15 goes with the ice queen into the fold. juste après Bess Orton, puis écoutez Andrew Bird, donc merveilleux chanteur, siffleur, violoniste. On se souvient de ses albums The Mysterious Production of Eggs en 2005 et Noble Beast en 2009. Là, c'est son 14e album depuis 1996, il s'appelle Inside Problems. Le morceau qu'on vient de s'écouter s'appelle Hate. Voilà, c'est la pop folk printanière et raffinée dont il y a le secret. Et c'est un de ses meilleurs albums depuis un petit moment maintenant. On poursuit dans de la folk beaucoup moins printanière, voilà, avec Mika Payneson, donc chanteur de Memphis, dans le Tennessee, qui vient de sortir son 12e album depuis 2004. C'est des albums où on a toujours l'impression qu'ils sont en orchestre. Mika Payneson and the Gospel of Progress, par exemple, de 2004. Il y a toujours Mika Payneson and the... En fait, souvent, il est tout seul. Voilà, donc il vient sortir sous simple petit sobriquet Mika Payneson, donc cet album, I Lie to You. Un album enregistré en Italie. Cette fois, il n'est pas tout seul, par contre. Il y a un vrai groupe italien. Lui s'occupe de la voix, de la guitare, du banjo. Eux s'occupent des cordes, des percussions, tout un tas de choses, de la production qui est beaucoup plus léchée que d'habitude. Voilà. Et sur ce canevas-là, eh bien, il raconte un petit peu les expériences, son parcours miné par la pauvreté, par une famille de chrétiens fondamentalistes qu'il a un peu rejeté, de son addiction aux drogues à laquelle il a survécu, et récemment un accident automobile qui a brisé durablement les deux bras, je crois. Bref, une vie assez cabossée. Donc au niveau musical, il est sur du folk lofi, un petit peu orchestral là sur cet album, avec un chant éraillé, presque à bout de souffle, et des musiques presque apaisées sur lesquelles il plaque des paroles d'une noirceur assez désespérante, sans concession, à la fois sur sa vie et sur la société. En tout cas, c'est magnifique, hein, vraiment, c'est des plus beaux albums de folk de l'an dernier. Puis c'est sorti l'an dernier, on va rester peut-être un petit moment encore sur 2022, le temps de dépiauter un petit peu les nouveautés de 2023. En tout cas, ouais, c'est un des plus beaux albums de folk que l'an dernier. On va écouter deux extraits. Le premier s'appelle People, le second s'appelle What Does It Matter Now? Mika Payneson, c'est parti. When I was young, I saw people helping people all the time. Because you were people helping people in their prime. I find that people loving people was the norm. Because you were people helping people before the long dark storm. As I grew up, I saw people hurting people all the time. Because you were people hurting people in your prime. I thought that people hating people was the norm. Thank you. I see people ignoring people all the time. Because we are people ignoring people in their prime. I find that people killing people is now the norm. Because we are now people killing people after the long dark storm. I was falling from above the day you fell out of love with me. The sky began to descend. I guess this will be the bitter end. Picture perfect night. The holes are burning in the sky. All right. And what does it matter? Thank you. sky was falling from above, the day you fell in love with me. Voilà, donc à l'instant, c'était le second extrait de notre troisième et dernier album la semaine, l'excellent et magnifique I Lie to You de Mika P. Hinson, donc du superbe folk américain. On va terminer par un peu de musique atmosphérique avec Lily Owens, la galloise, qui avait eu un certain succès avec son album Inner Song en 2020, mais succès qu'elle n'a pas pu confirmée sur scène, puisque c'était le début de la pandémie. Donc elle s'est réfugiée en Norvège avec le producteur Lasse Marhaug, producteur notamment de Merzbo ou Sun O. Et ensemble, ils ont concocté un album entre ambiance, techno, pop d'avant-garde et musique électronique minimaliste assez abstraite. C'est très créatif et envoûtant, si on sonne la peine de se laisser séduire. L'album s'appelle LP8, donc c'est son troisième depuis 2007. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Anadiu. C'est le morceau qui conclura cette émission. Je vous dis à dans 15 jours. Je vous laisse avec les beaux rêves éthérés donc de Kelly Lee Owens. À bientôt. Doing now.